Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Ils sont partout. Nous ne pouvons pas leur échapper. Ils nous suivent, ils nous poursuivent. Les chiffres, ce sont eux qui servent à former les nombres dont le monde du commerce se saisit pour construire sa comptabilité et dont l'État se régale pour mieux gouverner. Alors, comme le déclarait Patrick McGoggan, en incarnant le rôle de numéro 6 dans la série Le Prisonnier dans les années 1960, dit entre encore un nombre, « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. » Où avez-vous passé la nuit du 9 au 10 mars ? C'est ce que vient de nous demander le gouvernement sous le prétexte de nous compter. Nous avons tous répondu, ben voilà, chez moi, dans mon lit, tout bonnement. À quoi servent les instituts de sondage ? Ils servent à vous dire si actuellement il pleut ou il ne pleut pas. En fait, si vous voulez, la France avait épousé M. Necker comme exactement à l'époque des gentilshommes sans le sou épousaient la fille de ce qu'on appelait un traitant ou un financier. On peut craindre l'ordinateur qui peut savoir absolument tout de nous, y compris nos opinions politiques, notre salaire, je ne sais pas quoi encore. Mais il serait injuste de lui mettre tout sur le dos. Notre répertoire d'identité ne contient de toute manière que le nom, les prénoms, la date et lieu de naissance et la date et lieu de décès. Chiffres, nombres et statistiques. Bonjour Béatrice Touchelet. Bonjour. Statistique, on peut revenir sur l'étymologie de ce mot statistique, ça vient d'où ? Alors statistique c'est état en fait, stat, hein. C'est état, une étymologie qui est à l'origine allemande, hein. Enfin bon c'est latin évidemment mais après allemand, et allemand c'est-à-dire un état fort qui va avoir besoin de compter pour gouverner et qui va se persuader de plus en plus de la nécessité, de l'obligation de compter pour gouverner, pour contrôler, pour classer, pour hiérarchiser, et voilà l'origine du mot statistique en 3 minutes. Bah voilà, c'est bien parce que ça veut dire que déjà l'émission valait le coup d'être écoutée. On a appris. Non mais maintenant dès qu'on va entendre le mot statistique, on va savoir de quoi il s'agit. Bonjour Anne Conchon. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Cette histoire des chiffres, des nombres et des statistiques, c'est une histoire du pouvoir. Alors, pouvoir au sens de l'État, on vient de l'évoquer, mais pas seulement. C'est-à-dire que dès que quelqu'un veut un peu de pouvoir, que ce soit dans le commerce, dans l'agriculture ou au plus haut sommet de l'État, bah oui, il y a des chiffres, il y a des nombres, il y a des stats. Alors les chiffres, les nombres et les statistiques sont effectivement des enjeux de pouvoir. Ils sont quand même, comme l'a évoqué Béatrice Touchelet à l'instant, très largement liés au renforcement de l'État, qui recherche des informations pour gouverner et pour décider. Mais effectivement, les nombres, les chiffres, on les trouve dans des pratiques qui sont des pratiques comptables, dans des entreprises commerciales, dans des entreprises industrielles. Mais ça reste quand même prioritairement un objet à la disposition de l'État ou de gens qui gravitent autour de l'État. Oui, parce qu'il y a cette idée de pouvoir d'État. Béatrice Touchelet, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Lille. Cette histoire-là oblige à mêler tant et tant d'aspects de notre vie, c'est-à-dire notre vie à nous de tous les jours, on fait nos comptes, c'est le commerce, je l'ai évoqué, c'est aussi à la ferme, il faut faire des comptes sans arrêt, et c'est l'État, donc ça veut dire c'est la fiscalité, c'est le recensement, ils sont partout. Les chiffres sont partout, ça en effet, les chiffres sont partout, alors que, et du coup ils suscitent effectivement de très vives réticences, des résistances, hein, les résistances du patronat par exemple à des enquêtes industrielles, les résistances de l'individu à des recensements démographiques, le nombre de mes enfants, qu'est-ce que ça peut bien leur faire, écrivait Scarpite dans Le Monde en 1954, en plein moment d'un recensement démographique important, hein, de l'après-Seconde Guerre mondiale, voilà, donc ces chiffres suscitent des résistances. Ces chiffres aussi, ça dépend de leurs usages en réalité. C'est-à-dire que si l'on considère que le prince est légitime, si l'on considère que celui qui demande, celui qui prescrit, celui qui utilise et celui qui fabrique les chiffres est légitime, dans ces cas-là, on accepte finalement de répondre aux enquêtes. Si on considère que ces institutions, l'INSEE en l'occurrence pour la France aujourd'hui, l'État, le prince qui prescrit les enquêtes, ne sont pas légitimes, dans ces cas-là, on va être en opposition, il y aura des grains de sable dans les enquêtes, évidemment. Alors effectivement, à l'époque contemporaine dont parle Béatrice Touchelet, il y a un essor extrêmement important de données chiffrées, de données quantitatives, qui sont des instruments de gouvernement très largement, même si ça peut pas se réduire à cela. Ce sont effectivement des chiffres qui sont des outils de preuve, des objectifs de gestion à atteindre des outils de planification. Mais quand on replace effectivement l'histoire du chiffre dans la plus longue durée, il y a effectivement des conditions d'élaboration, des conditions de production de chiffres qu'il faut prendre en compte. Et je dirais que l'importance relative du chiffre rend compte des transformations des économies et des sociétés dans la longue durée. On peut pas ne pas citer l'ouvrage de Crosby qui montre très bien comment il y a une montée en puissance de l'introduction des chiffres depuis la période médiévale. Enfin, son ouvrage débute au XIIIe siècle, avec effectivement une demande intellectuelle, sociale, politique en matière de mesure, de mathématisation des réalités, de quantification, et un phénomène qui est amplifié à la période moderne et notamment au XVIIe siècle, avec la révolution scientifique. D'abord dans certaines disciplines scientifiques, la physique notamment, mais une mathématisation et une introduction du chiffre qui va toucher bien d'autres champs du savoir, à commencer par l'économie politique, l'arithmétique. Donc voilà, le chiffre est partout, mais le chiffre arrive partout avec effectivement une prise en compte des temporalités longues à introduire. Oui, parce que ce sont des pratiques aussi. Aujourd'hui, nous avons comme une évidence l'idée d'un tableau comptable, recettes, dépenses, entrées, additions, soustractions, oui, etc. Tout ça, ça se met en place lentement et c'est tout à fait normal, hein. Oui. Et il y a une unification aussi de la chose dans le même temps. Béatrice Touchelet, c'est une histoire longue, obligatoirement. À partir de quand peut-on voir apparaître, prenons les statistiques, la notion même de statistique? Alors, statistique, ça je pourrais envoyer à Anne Conchon, parce que c'est dès la période moderne et même avant, de toute façon. Hein, dès que vous faites du commerce, alors statistique, là ça va être un chiffre comptable, mais dès que vous faites du commerce, il faut compter, c'est évident. Donc compter, statistique, alors si statistique c'est État, l'État va s'appuyer aussi sur des comptes, si vous voulez financer, c'est pas l'État qui finance, mais bon, il y a quand même un financement public des cathédrales, de grands travaux, etc. Et ça commence, quand vous construisez des canaux, bien entendu, hein, vous allez compter, ce sont pas des statistiques publiques au sens où elles ne serviront pas à gérer et à gouverner un État, par exemple. Bon, voilà, c'est pas forcément aussi général, mais je pense que c'est très très ancien, de toute façon, à partir du moment où il y a État, il y a gouvernement. Oui, obligatoirement. Obligatoirement, et il y a institution ou pas, justement. C'est là la différence. Anne Conchon. Alors, les collègues médiévistes ont étudié effectivement les premiers dénombrements, les premières enquêtes à l'époque médiévale, et montrent effectivement que le renforcement de l'État au cours de la période médiévale et moderne s'accompagne d'une recherche d'informations et de collecte, notamment d'informations chiffrées sur plusieurs objets, à commencer par des questions de démembrement des sujets du roi, pour des raisons de mobilisation des armées, mais aussi des mobilisations de ressources fiscales. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est l'apparition de statistiques au sens de dénombrement d'enquêtes qui correspondent à des nouvelles façons de gouverner les hommes et les États, et qui deviennent vraiment, en tout cas dans le cas de la France, des instruments de gouvernement à partir de la fin du XVIIe siècle, pour mesurer des flux, pour recenser des richesses, des peuples, répartir des contributions, avec toutefois quand même des traditions statistiques qui sont différentes, en tout cas pour la période qui m'occupe, en Europe. C'est-à-dire qu'on a une tradition très chiffrée précocement en Angleterre au XVIIe siècle, avec ce qu'on appelle l'arithmétique politique. Une statistique qui est beaucoup plus qualitative dans les espaces germaniques, et puis un système statistique qui est hybride d'une certaine façon en France, où on a à la fois de la statistique descriptive, les mémoires des intendants de la fin du XVIIe siècle pour la formation du dauphin en sont une illustration, mais avec notamment au XVIIIe siècle une montée en puissance de données chiffrées dans des enquêtes diverses et variées. Oui, parce que c'est ça, c'est la grande variété des sources pour trouver ces chiffres, pour les croiser, les cumuler. Chiffres privés, chiffres publics, 17e, 21e siècle. C'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé l'une et l'autre, Béatrice Touchelet et Anne Conchon, publié aux presses universitaires de Rennes, entre hybridation et conflit. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. On aurait presque aussi pu rajouter le secret. Parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de secrets. Donner les chiffres, c'est puisqu'on a dit que ça correspondait au pouvoir, donner une partie du pouvoir. On n'a pas trop envie, hein. Non, on n'a pas du tout envie, hein. Surtout si on nous demande combien on gagne, quel âge on a, enfin quel âge on a à la limite, mais voilà, c'est surtout ça. Alors, je voudrais juste rajouter une précision, c'est qu'on était quatre, hein, co-dirigeait cet ouvrage, on était nombreux. Il y avait aussi Michel Margueraz et il y avait aussi Fabien Gardoni, voilà, donc juste pour rendre à César. Et c'était intéressant ce groupe de quatre parce que on a organisé des séminaires pendant au moins 4-5 ans ensemble à quatre justement, et on est chacun très spécialisé dans les périodes, enfin on est très complémentaires sur ce plan-là, et voilà. Alors vous dites le secret, oui bien entendu, hein, pour faire des enquêtes, il faut, et ça c'est intéressant, il faut qu'il y ait une relation particulière entre enquêteur et enquêté, et il faut que l'enquêté arrive à répondre. Oui, il faut que l'enquêté... accepte de répondre. Ah oui, mais parfois on n'a pas du tout envie de donner les informations que l'on veut conserver précieusement, et notamment c'est le cas quand ça concerne les revenus. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes coupons des mines de gruyère et les pots de vin que tu as reçus? Tout ce que t'as gagné à la bourse, tout ce que t'as ramassé aux courses, ton 5% tes caoutchoucs et tes fonderies de caramel mou et tes valeurs pétrolifères et ta fabrique de nouilles au jus. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? As-tu déclaré tes revenus, Georges Milton, en 1933, Anne Conchon? Mais oui, il faut déclarer les choses, mais là aussi la temporalité est à remettre en place, c'est pas la même chose. Au XXe siècle, de déclarer ses revenus, et quand on regarde par le passé, avec toute la comptabilité privée. Oui, alors je vais revenir sur la question précédente et la relier effectivement à celle-là, en commençant effectivement par de quel point de vue on se situe, c'est-à-dire le secret, il doit être très bien gardé du côté des contribuables, justement, qui rechignent à un changement de modalité de prélèvement de l'impôt au cours du XVIIIe siècle, avec deux impôts directs qui fonctionnent sur la déclaration de revenus, ce qui est en soi un changement radical par rapport aux impôts de répartition qui prévalaient jusqu'alors. Et c'est vrai que l'introduction du 10e puis du 20e en 1749 oblige les contribuables à déclarer leurs revenus, soit des revenus agricoles, des revenus fonciers, commerciaux, industriels ou autres. Et effectivement, cette déclaration de revenus est considérée comme une intrusion par les contribuables qui considèrent cette opération comme une violation du secret des familles, pour reprendre l'expression d'un collègue. Donc on a effectivement ce secret et une fiscalité considérée comme attentatoire à ce secret des revenus. Mais symétriquement, si on se passe du côté de l'État, on a la même logique du secret, c'est-à-dire l'idée que on ne peut pas divulguer sur la place publique, ou en tout cas auprès d'une large opinion publique, les chiffres des finances publiques, parce qu'on risque d'alarmer des créanciers potentiels. Et donc là, il y a effectivement une tension vraiment très intéressante à étudier au cours du XVIIIe siècle, entre une politique qui est fondamentalement attachée au secret des finances, c'est-à-dire des opérations qui doivent être confinées dans le secret du gouvernement, et puis un équerre qui va jouer une carte complètement différente en 1781, en tablant sur une transparence, enfin une fausse transparence, qui est de publier ce qu'on appelle le compte-rendu de 1781, qui est censé rendre compte de l'état des finances, mais un compte, C-O-N-T-E, puisque c'est une fiction complète. Donc c'est une opération de communication destinée effectivement à attirer le crédit public. Oui, Necker qui, à la fin du XVIIIe siècle, est ce personnage dans lequel la France place ses espoirs. Lui qui a réussi dans la finance va peut-être réussir à sauver le pays, le royaume, bon, c'est pas vraiment le cas. Béatrice Touchelet, ce qu'on vient d'entendre, ce secret, ne pas publier les comptes, avec la parenthèse Necker, hein, qui est très intéressante, c'est à l'opposé de ce que l'on connaît aujourd'hui, où tous les chiffres doivent être étalés pour que tout soit clair. En vérité, il doit y avoir quand même un peu de secret. Oui, alors, bon, l'énorme différence, il y a des similitudes importantes, hein, toute cette histoire de la fiscalité, entre, à partir des années 1890 et jusqu'à la réforme, hein, jusqu'à l'introduction de l'impôt sur le revenu, il y a les mêmes, exactement les mêmes oppositions contre l'inquisition fiscale, contre la déclaration individuelle de revenus est quelque chose qui choque énormément l'opinion, hein, et ça, tout le temps, mais on introduit néanmoins cet impôt sur le revenu, et qui sera aussi, qui sera un impôt sur le bénéfice, qui sera un impôt sur le salaire. Donc là, la réticence individuelle est emportée par la nécessité publique, en fait. Hein. Bon, ça c'est assez évident. Et ce qui a la grosse différence aussi entre l'Ancien Régime et la période qui suit, c'est que l'État met en place des institutions qui sont des institutions de statistiques. Et ces institutions de statistiques-là, la statistique générale de la France à partir de 1833, 1840, bon, et puis ensuite, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'INSEE, l'Institut de statistique, sont considérées quand même comme des garants, justement, d'une certaine forme de secret. Et il y a une réglementation, il y a une loi importante en 1951, ce qui est la loi justement sur l'organisation, la coordination et le secret statistique. Le terme secret est introduit. Cette loi-là, on est encore... Alors, elle a changé, évidemment, hein, comme toutes les lois, mais c'est une loi qui garantit le secret des informations. Et c'est censé rassurer, en fait, hein, les enquêtés, en fait. Anne Conchon, l'Ancien Régime avait déjà des statistiques, mais il n'y avait pas d'institut de statistiques, ça se passait comment? Alors il y a effectivement une institutionnalisation de la culture du chiffre, hein, quand même assez tardive au demeurant, dans les structures du gouvernement de la monarchie, dans l'appareil d'État. On a assez précocement un bureau qui a fonctionné pendant tout le XVIIIe siècle, qui est le bureau de la balance du commerce, qui a été étudié par deux collègues économistes. Donc il est créé en 1713 et c'est un bureau qui va fonctionner avec une refonte en 1780 jusqu'en 1791 et qui fournit toute une série d'informations sur les importations et les exportations à l'échelle du royaume. Et puis Necker toujours, il en était question tout à l'heure, a créé un bureau de renseignement qui est une espèce de cellule au gouvernement qui traite des données statistiques. Donc ce sont effectivement deux piliers effectivement de cette pré-statistique au sein du gouvernement. Il faudra attendre l'an 8 et surtout l'an 9 pour que se crée effectivement l'ancêtre d'une certaine façon de l'INSEE, qui est le bureau de la statistique par le ministère de l'Intérieur de l'époque, qui est occupé par Chaptal. Donc un bureau dont la titulature va un tout petit peu changer au début du 19e siècle, qui sera supprimé en 1812 et qui sera rétabli en 1833, mais qui dépendra alors du ministère du Commerce et non plus du ministère de l'Intérieur. Oui, à ce propos, c'est très important de savoir de quelle tutelle dépend l'institution de statistique. C'est pas tout à fait un hasard si dans les régimes forts, l'institution de statistique est rattachée au ministère de l'Intérieur. Si aujourd'hui on rattachait l'INSEE au ministère de l'Intérieur, vous imaginez un petit peu, j'espère, au moins qu'on pourrait imaginer que ça susciterait quelques réticences, disons. Et le ministère du Commerce, effectivement, qui recrée, c'est Adolphe Thiers, en 1833, suivant un modèle britannique, hein, la grande admiration pour la Grande-Bretagne et la bonne organisation économique, hein, et des finances britanniques. Donc Thiers recrée, réinstitue, réinstaure, hein, dans son ministère, en fait, commerce, hein, une institution de stat qui est la Statistique Générale de la France, minuscule, hein, ils sont trois, en fait. Ah oui. Ils sont trois, dirigés par un médecin, un ancien médecin, un marin, hein, donc lui, il a une formation statistique. Pourquoi? Parce qu'il a été, dans des expéditions, confronté à des épidémies. Et c'est à partir du moment où on reparle des hygiénistes, hein, ces histoires d'épidémie, là, qu'est-ce qu'on fait? On les met en quarantaine ou pas, mais il faut les compter. Il faut compter les morts, il faut compter les malades, il faut isoler. Et là, le chiffre, évidemment, a un rôle très important. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on recrée cette institution. Et c'est vrai que, là aussi, hein, commerce, c'est vrai que tout ce qui est statistique du commerce, importation, exportation, a un rôle très, très important parce que c'est ce qui rapporte. On est encore très marqué par le mercantilisme, mine de rien, et on considère que c'est ce qui rapporte de l'argent à l'État, quoi. Bon, initialement, c'est pas des enquête très précise. Alors, il y a la fonction de recensement démographique, fondamentale pour la Statistique Générale de la France et qui va demeurer. C'est la grande aventure des institutions chargées des statistiques. C'est en fait Adolphe Thiers qui a créé, en 1833, la Statistique Générale de la France, l'ancêtre le plus lointain de l'actuel INSEE, né en 46. Une période où les Français étaient très méfiants vis-à-vis des statistiques et des fichiers. Où avez-vous passé la nuit du 9 au 10 mars ? C'est ce que vient de nous demander le gouvernement sous le prétexte de nous compter. Nous avons tous répondu, ben voilà, chez moi, dans mon lit, tout bonnement. 50 ans après, anciens et plus jeunes se retrouvent pour fêter dignement l'anniversaire et chacun y va de son anecdote, comme Paul, par exemple, qui se souvient d'une enquête sur l'aspect d'un paquet de cigarettes. Alors, il y en a un, ça me paraissait même à nous, assez bizarre et ridicule, d'aller demander chez les gens si ça était content de l'emballage du paquet gauloise, ce qui quand même, et de se dire, les fonctionnaires, à quoi ils sont payés. À côté des petits thèmes, il y a les grands. La santé, l'indice des prix, l'emploi, et aujourd'hui, de plus en plus, les difficultés des uns et des autres. L'INSEE essaye de s'adapter à l'évolution de la société, c'est notre rôle, et de plus en plus, depuis quelque temps, apparaît, je dirais, malheureusement, des investigations nouvelles portant sur les questions d'actualité chaude comme le chômage, comme la pauvreté, la précarité. L'INSEE présenté en 1996 avec Anne Conchon, l'évidence que l'État, mais depuis que la notion d'État existe et même auparavant, essaye de mesurer les richesses. On pourrait aller dans l'Égypte antique, on trouverait ça dans la Rome antique, la Grèce antique. Il y a l'idée de mesurer la richesse. Ce serait, et vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais une très longue histoire du perfectionnement de la maîtrise des chiffres, des statistiques, et notamment grâce à des outils nouveaux et peut-être des préoccupations autres. Longtemps, ça a été simplement mesurer la richesse de la nation. Oui, alors la période moderne, l'ancien régime, je le disais tout à l'heure, va développer des enquêtes qui sont soit des enquêtes générales, soit des enquêtes sectorielles. Donc on a une floraison d'enquêtes qui peuvent être des états de récolte, par exemple à partir des années 1720, qui peuvent être des enquêtes diligentés par les inspecteurs des manufactures, donc ils sont très normés sous forme de tableaux avec des rubriques extrêmement précises sur le nombre de métiers à tisser, les volumes de production, etc. Des enquêtes commerciales, notamment dans le cadre de la balance du commerce. Toutes ces enquêtes, effectivement, s'accompagnent de perfectionnement, c'est-à-dire d'éléments qui sont des indicateurs, donc qui sont généralement des données brutes, mais qu'on peut aussi accompagner pour certaines enquêtes de référents, et notamment la fameuse année commune, c'est-à-dire que on replace la donnée par rapport à d'autres éléments de connaissance qui permettent de la situer. Donc on voit effectivement apparaître progressivement la moyenne ou effectivement cette année commune qui permet d'étalonner les données. Et puis le 19e siècle, c'est le grand siècle des enquêtes. Hein. Ces enquêtes, déjà sous l'Ancien Régime, on en a tant et tant au 19e siècle. Béatrice Touchelet, vous êtes spécialiste notamment de l'histoire de l'INSEE. Voir l'histoire de l'INSEE, c'est aussi regarder l'amélioration des techniques. Il y a des outils nouveaux qui permettent d'aller toujours plus loin. Oui, alors je me permets aussi de prolonger ce qu'a dit Anne, parce que paradoxalement au 19e, alors qu'il y a une effervescence statistique, hein, on va tout compter, les hygiénistes vont compter, les médecins vont compter, il y a beaucoup apparition, multiplication des chiffres privés également, hein, mais paradoxalement, l'État s'intéresse moins au 19e, beaucoup moins aux statistiques économiques. Il faut que la question sociale à la fin du 19e apparaisse comme une question qui devient politique, pour que l'on commence à compter le nombre, et à classer aussi la profession. On introduit les grandes nomenclatures à la fin du 19e très progressivement. Hein, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes patron, vous êtes indépendant, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bon. Donc ça, et c'est la fin du 19e, alors que l'industrialisation s'accélère à partir en fait du début du 19e. Vous voyez, là il y a un décalage, là il y a un retard. Alors et par contre, on a des statistiques démographiques, hein, là les recensements et la statistique de la France, où ils sont 3 ou 4, là j'exagère un peu, mais bon. Là, eux ils font les recensements démographiques, et là il y a un perfectionnement à la fin du 19e, mais dès les années 1870, donc le dernier tiers en fait, perfectionnement aussi des techniques, des pratiques. On introduit un bulletin individuel de recensement, alors qu'avant il fallait que vous alliez à la mairie, on suivait le notable local, hein, pour aller se déclarer à la mairie au moment des recensements. C'était ça, hein, en fait, comme pour le vote, en fait, c'était en mesure qu'il est introduit. Bref, donc voilà. Alors effectivement, après, au XXe siècle, il y a des grandes évolutions, surtout à partir de la création de l'INSEE de 1946, qui a été rappelé tout à l'heure, des grandes évolutions qui tiennent essentiellement à la volonté politique. Mars 44, hein, vous avez le Conseil national de la résistance qui définit un programme de reconstruction et un programme normalement à long terme aussi. Hein. L'un des piliers de cette reconstruction devra être justement l'information économique. Une information économique qui est considérée comme un devoir d'État, quelque part. C'est pour ça qu'on crée l'INSEE. Hein. Bon, cette information économique-là, il n'est pas question de la définir uniquement pour l'État, justement pour le prince, mais il est question de la diffuser. Il était justement l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique des études économiques pour la France et l'Outre-mer. Bon, il est question d'introduire un nouveau mot, mais ça aurait été très très long, et de la documentation et de l'information et de la documentation. Ce terme documentation n'a pas été introduit dans le titre parce qu'on n'en avait pas les moyens économiques en fait, financiers, hein, budgétaires. C'est très bon. L'INSEE subit de très grosses restrictions budgétaires à ses débuts jusqu'à 1962 et le rattachement aux finances, hein, qui est pour eux le signe, hein, pour l'INSEE, le signe d'une augmentation, d'une amélioration du confort, finalement. Voilà. Alors, les changements sont aussi techniques, technologiques. C'est la mécanographie. Bon, avec les cartes perforées, là. Et puis, ça deviendra l'informatique. Hein. Le recensement agricole de 1956, on introduit à l'INSEE un premier appareil énorme, hein, pour, justement, classer, traiter les données. Donc, ça marche pas, c'est un fiasco, mais n'empêche que c'est l'introduction de l'informatique. Et ça, ça va tout révolutionner, en réalité. Ici, avec l'informatique, on a une vraie révolution, bien sûr, mais avec l'INSEE, nous sommes par la volonté du pouvoir avec une institution, mais dans le même temps se poursuit la comptabilité privée. Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou. Ah, si j'avais la France. Les habitués du tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian. Et oui, on l'a reconnu, Boris Vian et son orchestre, avec Anne Conchon. L'idée du public et du privé, c'est le titre, hein, de cet ouvrage collectif Chiffres privés, chiffres publics. Public, privé, ça semble clair. Sous l'Ancien Régime, c'est pas si clair. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'effectivement, la distinction privé-public prend vraiment forme à partir de la Révolution. Et c'est vrai que enfin, ça a été à la fois un défi et voilà, quelque chose d'extrêmement stimulant de discuter avec mes trois autres collègues d'histoire contemporaine, puisqu'effectivement, pour eux, la catégorie publique était évidente, et pour moi, pas du tout. Et de la même façon, pour les collègues travaillant sur des périodes anciennes, qui constituent la première partie de l'ouvrage. Donc c'est vrai, effectivement, que cette façon de penser une dichotomie privée-publique était effectivement assez difficile à aborder au premier abord, mais en fait, qui s'est révélée révéler assez heuristique parce que on voit quand même effectivement des formes de circulation, d'hybridation entre deux sphères qu'on peut qualifier de particuliers, de personnels, plus que de privés, et symétriquement effectivement un État qui est pas complètement public, qui peut être parapublic, etc. Donc effectivement, c'était un défi et une curiosité vraiment très très stimulante. Ouais, parce que l'État avec un roi se mêle de tout. Enfin, il n'y a pas cette séparation aussi nette. Et c'est ce côté hybride qui est très intéressant sous l'Ancien Régime, avec ces comptes. Alors, ces comptes de la nation qui sont... Mais c'est quoi? Il n'y a pas de nation, donc ce sont les comptes du roi. Mais c'est l'État. C'est extrêmement flou. Le privé, par contre, ça existe quand même. Dites-nous, Anne Conchon, le négociant qui commerce, ce sont ses comptes privés. Non ? Alors effectivement, on peut faire jouer ce jeu, cette opposition de multiples façons. Pour l'histoire contemporaine, c'est effectivement admis qu'il y a des chiffres publics qui renvoient aux données produites par l'État dont on a discuté, puis les chiffres dits privés qui correspondent très largement à ceux qui émanent du marché ou des entreprises. Dans le cas de l'Ancien Régime ou de la période révolutionnaire et impériale, on voit ce jeu complexe de multiples façons. Je peux prendre quelques exemples. On le voit pour les enquêtes, puisque les enquêtes sont véritablement ordonnées et portées par l'État. Ce sont des agents de l'État, principalement les intendants, puis les préfets qui vont être à la manœuvre. Mais en même temps, l'État rencontre un intérêt tout à fait évident de la part de sociabilité intellectuelle, donc de particuliers pour le coup, et on peut mobiliser des aubergistes, on peut mobiliser des curés, donc des acteurs dits privés qui ont un intérêt à ces enquêtes ou qui sont les relais de l'État. On peut prendre par écho avec la bande sonore qu'on vient d'entendre, la publication, donc là on rend public des comptabilités privées. Alors, il n'en était pas question dans l'ouvrage, mais c'est cette bande sonore qui m'y a fait penser, notamment les budgets populaires qui paraissent au XVIIIe siècle, qui préfigurent les budgets Le Play. Ces budgets populaires, ils sont établis sur la base de données privées, c'est-à-dire on prend un type privé, donc le colon onisien ou un manouvre ouvrier local dont on liste les dépenses, donc ça peut être les dépenses en termes de loyer, de maison, de dépenses alimentaires, même la fiscalité qu'il doit payer pour sa consommation de sel. Donc on établit des budgets domestiques qui sont publiés et qui circulent justement à des fins de réforme publique, c'est-à-dire l'idée que il faut faire un état de ces budgets domestiques pour pouvoir mesurer la capacité des foyers à développer une épargne. Donc il y a effectivement énormément de d'hybridation, pour reprendre ce terme, entre de la statistique, de la comptabilité, du budget pour la période ancienne. Avec ces grandes enquêtes, oui, de Frédéric Le Play au XIXe siècle. Oui, alors les enquêtes de Frédéric Le Play qui ont été précédées au XIXe, hein, par en fait un usage militant du chiffre. Si on s'intéresse par exemple puisque Anne Conchon parlait des budgets, les fabricants par exemple de Lyon, les fabricants du textile, hein, les canuts, ce qu'on appelle les canuts, font usage des budgets et font des enquêtes sur les budgets. Pourquoi? Tout simplement dans un objectif militant, pour montrer que les fabricants en fait les arnaques, c'est-à-dire pour montrer qu'il faut absolument augmenter les tarifs. Donc il peut y avoir un usage, et là c'est complètement privé, on est dans une sphère totalement privée. Si jamais l'État peut intervenir, c'est très bien, l'État ou la municipalité. Bon, il y a une thèse en cours, hein, enfin il y a une thèse qui va être soutenue dans pas très longtemps à Genève là-dessus, sur les usages militants en fait, hein, du chiffre et en particulier des budgets. L'État est complètement en dehors de ça, et ça on trouve ça en Angleterre dans le textile, hein, donc à l'origine de la révolution industrielle. On trouve ça aussi à Lyon beaucoup, et ces budgets ont été étudiés très en détail. Et là, on est dans une sphère complètement privée, en réalité. Voilà. Mais avec un écho public, bien sûr. Avec un écho public. Et cet intérêt social, hein, c'est très important aussi, parce que quand il est question de chiffres qui sont omniprésents, on voit que c'est la volonté du pouvoir, et à vous écouter l'une et l'autre, on le ressent sans arrêt, qui fait qu'il y a des études plus ou moins poussées. Dès lors, il faut connaître la motivation du pouvoir. Donc, un 19e siècle qui a de vraies préoccupations, j'ai envie de dire sociales, mais pour renforcer le pouvoir. Hein. Fin 19e. Fin 19e oui, siècle. Oui, voilà, parce qu'avant... On s'en fiche, avant c'est compter pour l'enrichissement du pays. Alors, c'est compter pour savoir combien on est, en réalité, quelque part. Parce que les statistiques les plus fréquentes sont les statistiques démographiques, pas démocratiques, mais démographiques. Donc voilà, ça c'est la fonction de la statistique générale de la France. Compter pour connaître les religions aussi. Jusqu'en 1871, hein, on a, dans le recensement, on vous demande quelle est votre religion. Le recensement de 1876, on ne tient plus compte de la religion. Au moins, alors dans les colonies, oui, mais pas... donc ce ne sera pas très généralisé. Mais voilà. Et puis, les enquêtes, en fait, industrielles et les enquêtes agricoles, donc les enquêtes économiques, sont prises en charge par le ministère de l'Agriculture, à partir de sa création en 1881, pour l'agriculture, bien sûr, et puis par des corps, le corps des mines, hein, par exemple, qui fait des enquêtes industrielles régulièrement. Mais, il n'y a pas de centralisation statistique. Et en fait, les ministères ne veulent pas. Les ministères, les institutions ne veulent pas qu'il y ait une centralisation statistique. C'est un grand combat pour que l'INSEE puisse obtenir, à partir des années 60, 1960 seulement, de centraliser, même dans la loi de 51, c'est déjà prévu, de centraliser les statistiques publiques. Jusque-là, chacun défend son bout de gras et défend vraiment Mordicus. Hein. On est dans un pays où les chapelles sont très très importantes. Ce qui veut dire quoi? Ça signifie, là, et ça rappelle le début de l'émission, c'est le pouvoir du chiffre. Si je produis le chiffre, moi, ministère de l'agriculture en 1881, le chiffre qui va devenir public, c'est que j'ai un pouvoir, je me suis légitime et du coup, il faut me donner des budgets. Vous voyez, donc on a un usage du chiffre aussi, hein, qui permet de légitimer les producteurs et du coup, on n'a pas du tout envie de renoncer à ça. Et c'est la création des services ministériaux, des services statistiques des ministères, ça c'est dans les années 60, hein, avec des envoyés de l'INSEE qui va mettre un terme à tout ça. Et là, on en revient à une centralisation type ancien régime, en réalité. Ah ben voilà, voyez, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Un cochon, on revient à vous. Cette loi de 1961 qui a été évoquée, c'est cette loi sur l'organisation, la coordination et le secret statistique. Ancien régime, tout ça, évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, mais l'idée de centralisation se retrouve dans les bureaux à Versailles. J'ai envie de dire que ce qui est réalisé grâce à l'INSEE, ça pourrait être un idéal des bureaux Louis XIViens ou de ses successeurs. Alors, il y a incontestablement une volonté de centraliser l'information chiffrée, avec quand même des difficultés qui sont propres à la période moderne, à l'Ancien Régime, qui est la difficulté de traiter ces données, à la différence effectivement des potentialités diverses et variées qu'a évoqué Béatrice Touchelet à l'instant. Il y a d'abord une difficulté à normaliser l'information, donc pouvoir la traiter. Il y a des problèmes d'effectifs des agents de l'État qui sont susceptibles effectivement des retards dans les remontées d'informations dont le contrôle général des finances ne cesse de se plaindre. Donc il y a une ambition très forte de l'État de multiplier des investigations sur des champs ou sur des aspects de la vie démographique ou économique extrêmement importants. Mais après, effectivement, il y a ce geste de pouvoir, mais la difficulté à pouvoir en tirer quelque chose d'un point de vue très pratique, très opérationnel. Et pour rejouer cette carte privée-publique, on voit très bien aussi comment ce sont des acteurs qu'on pourrait qualifier de privés. Ils ont un pied dans l'appareil d'État et un pied en dehors, qui développent une arithmétique politique sur l'État. C'est-à-dire que on a tout un savoir qui se développe en dehors de l'appareil d'État, qui propose effectivement des proportions, des réflexions sur la puissance de l'État en termes de superficie territoriale, en termes de population, en termes de produits territorial ou national. Alors, on le voit, j'évoquais tout à l'heure les arithméticiens britanniques qui très précocement, au XVIIe siècle, ont joué cette carte de l'arithmétique pour étalonner les puissances européennes, c'est-à-dire situer la puissance anglaise par rapport à des concurrents européens. Et ce qu'on observe avec l'arithmétique politique à la française au XVIIIe siècle, dont un des grands tenants est Lavoisier, qui est un chimiste, fermier général, donc il est pas exactement dans l'appareil d'État, mais il y participe quand même. Il prélève les impôts, voilà. Enfin, voilà. Les droits d'entrée dans Paris. Son objectif, c'est précisément de tenter de mesurer le produit, la richesse nationale. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un chiffre sous l'Ancien Régime ? Eh bien, lisons l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Chiffre. Caractère dont on se sert pour désigner les nombres. On doit regarder l'invention des chiffres comme une des plus utiles et qui font le plus d'honneur à l'esprit humain. Cette invention est digne d'être mise à côté de celle des lettres de l'alphabet. Rien n'est plus admirable que d'exprimer avec un petit nombre de caractères toutes sortes de nombres et de mots. Au reste, on aurait pu prendre plus ou moins de 10 chiffres. Et ce n'est pas précisément dans cette idée que consiste le mérite de l'invention. Quoique le nombre de 10 chiffres soit assez commode, le mérite de l'invention consiste dans l'idée qu'on a eue de varier la valeur d'un chiffre en le mettant à différentes places et d'inventer un caractère zéro qui, se trouvant derrière un chiffre, en augmenta la valeur d'une dizaine. Lara Brûle dans le cours de l'histoire qui nous lisait cet article chiffre de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. Les philosophes réfléchissent aux chiffres aussi, Anne Conchon. Alors effectivement, la définition de chiffre est extrêmement importante. À l'origine, ça a été rappelé, un caractère qui permet de former un nombre. Et puis c'est par synecdote qu'effectivement le chiffre est devenu quasiment synonyme de nombre. On le voit dans l'expression chiffre d'affaires, par exemple. Mais en même temps, enfin, ça a été un des intérêts de nos discussions, ça a été de montrer que on a effectivement chiffre et nombres qui ne sont pas nécessairement des termes interchangeables. Et le nombre exprime plutôt une masse indéterminée, souvent importante. Et le chiffre renvoie plutôt à une logique comptable qui était très présente dans le livre. Donc, on n'a pas arbitré entre chiffre et nombre dans le titre, mais en tout cas, ça méritait effectivement une clarification. Et une partie de la réflexion a été de voir effectivement la forme que prennent les chiffres, donc sur des supports extrêmement divers qui peuvent être des rôles d'imposition, de la comptabilité, des résultats d'enquêtes statistiques, avec des questions mais très bêtes ou qui peuvent sembler très très très simples, mais que se posent aussi les collègues médiévistes, c'est-à-dire sous quelle forme sont consignés ces chiffres ou ces nombres. Est-ce que c'est en chiffres précisément ou est-ce que c'est en lettres? Est-ce que ce sont des données brutes ou des agrégats, c'est-à-dire des données construites ou calculées? Comment ces chiffres sont validés et d'une certaine façon contrôlés pour éviter des falsifications? Donc il y a des techniques, hein, en mettant un point avant ou après, ou pour les périodes anciennes, en utilisant soit des chiffres romains, soit des chiffres arabes, les chiffres romains étant plus difficiles, enfin supposés plus difficiles à falsifier que des chiffres arabes. Et puis ça pose la question fondamentale qui est la question de l'actualisation de ces données chiffrées, qui voilà pose un grand nombre de problèmes, alors plus pour l'Ancien Régime que pour la période contemporaine. Et puis c'est aussi une réflexion qu'on avait menée sur les cultures visuelles du chiffre, c'est-à-dire sous quelle forme, publiée ou non, apparaissent ces chiffres, en tableau, en formule mathématique, dans des ouvrages d'économie politique par exemple. Donc ça pose effectivement énormément, enfin ce terme pose énormément de problèmes heuristiques et historiques aussi. Oui, voilà, qui nous conduit à la découverte avec l'heuristique. Béatrice Touchelet, il y a ici la matérialité, voilà, du chiffre qui est très très très pertinente pour le XXe siècle, par exemple, c'est la masse de données qui est... Oui. Comment gérer ça, quoi. Et comment gérer cette masse de données? Comment les représenter? L'introduction, l'invention, c'est une invention, j'admire beaucoup l'invention de l'histogramme, par exemple, qui nous permet de faire, de faire des pyramides des âges, histogramme, qui permet de représenter les chiffres. Et ça, c'est, évidemment, ça accompagne la massification du chiffre. Cette mise en tableau aussi, les tableaux sont-ils... Si l'État a besoin de statistiques, il faut bien que... Alors, c'est pour synthétiser les rapports, c'est pour simplifier aussi, mais il faut bien que quelqu'un, à un moment ou à un autre, invente les titres des colonnes, les titres des lignes. Et ces tableaux statistiques-là, le fait de les regarder, le fait de les examiner, de les déconstruire en réalité, montre une présence de plus en plus forte de l'État et de la normalisation. Ça, Anna l'a dit. Dans ce qui concerne la temporalité des statistiques, c'est pas du tout quelque chose d'acquis au XXe siècle, c'est-à-dire que le chiffre court toujours après, évidemment, la réalité, enfin réalité entre guillemets, mais le chiffre est toujours en décalage par rapport. Quel est le taux d'inflation? C'était hier. Quel est le nombre de chômeurs? C'était hier, évidemment, puisqu'on fait des enquêtes. Et cette temporalité-là, c'est peut-être plutôt au tournant du XXIe siècle que la statistique se rapproche finalement d'une temporalité qui est bien celle de la période actuelle. On a, grâce en fait à l'informatique, c'est-à-dire que les traitements, la rapidité du traitement des enquêtes permet d'avoir finalement de plus en plus de chiffres qui sont des chiffres d'hier pratiquement, d'avant-hier, et de les publier aussi, c'est ça qui est important. On l'a vu ça, et là il y a aussi, il y a la technique qui sert à ça, mais il y a aussi, qui permet ça, il y a aussi un croisement et un usage de plus en plus important aussi par les institutions publiques, l'INSEE en particulier, de chiffres privés. Et ça, alors pour les recenses, par exemple, pour l'indice des prix, on utilise des données sorties de caisse, qui sont fournis par le syndicat, des producteurs ou plutôt des grands magasins, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref, donc là, on utilise des chiffres privés. Pendant la Covid, eh bien, comment on a fait pour essayer de savoir si les gens se déplaçaient malgré tout néanmoins ou pas, alors qu'ils ne pouvaient pas se déplacer? C'est simple, vous utilisez les données d'Orange. Donc, c'est voilà. Ah oui, l'opérateur de téléphonie. Voilà, l'opérateur de téléphonie mobile. Vous savez, on peut tracer les gens, comme les vaches dans les champs, on trace les gens, on sait où ils sont, on sait où ils vont, et du coup, on peut voir s'il y a ou pas, et combien il y a de déplacements. Et ça, ce sont des pratiques qui sont tout à fait nouvelles, et qui sont des pratiques de l'opérateur public de statistiques. Et à contrario, évidemment, le privé utilise aussi, bien entendu, parce que besoin important, des statistiques publiques. Bien entendu. Avec la temporalité, faire de l'histoire, c'est réfléchir sur le temps. Et ici, au XVIIIe siècle, entre l'enquête et le temps qu'elle arrive et le temps qu'elle soit traitée, c'est sûr que c'est plus long et les chiffres sont déjà peut-être un tantinet obsolète. Est-ce que vous diriez l'une et l'autre que cette histoire chiffrée est une histoire du renforcement du contrôle du territoire de la population par l'État? C'est-à-dire, on sent que le curseur va toujours plus loin pour cumuler un maximum d'informations le plus rapidement possible. C'est aussi ça, c'est l'histoire du renforcement de l'État. Alors, c'est l'histoire du renforcement de l'État dans des périodes sombres, on l'a vu à l'évidence, par exemple Vichy, c'était une mise en chiffres de la population avec des fichiers nominatifs, etc. On a vu les résultats. Pour le 21e siècle, j'aurais une opinion assez différente, parce que justement, on a une arrivée massive de chiffres privés. Et on a une arrivée massive, les big data par exemple, et on a une arrivée massive de chiffres privés qui n'ont comme usage que justement des fonctions mercantiles en réalité, augmentation du pouvoir de l'État, de la volonté de contrôle depuis justement la fin du 20e siècle. Je douterai un petit peu, je mettrai ça parce qu'on a aussi une concurrence de plus en plus forte entre chiffres publics et chiffres privés. L'INSEE subit des concurrences, et qui sont la volonté du prince. Autrement dit, les cabinets privés, etc., qui fabriquent les sondages, les instituts de sondage privés aussi. Renforcement du contrôle de l'État, pour le 21e, j'en doute, puisqu'on est dans une nouvelle configuration. C'est le néolibéralisme, quand même. Question de pouvoir, mais c'est peut-être plus le pouvoir de l'État. Anne Conchon. Oui, pour l'Ancien Régime et la période révolutionnaire et impériale, il y a incontestablement des enjeux politiques qui sont derrière la production et la conservation aussi de ces statistiques qui constituent des outils de gouvernement, mais aussi des outils de domination sur un territoire, sur une population. En même temps, le chiffre ne se limite pas qu'à ça, c'est-à-dire que le chiffre a d'autres usages, d'autres significations que politiques. Je prendrais un exemple qui est une autorité qui pour le coup n'est pas politique, mais qui est scientifique du chiffre. Et ce sont effectivement des outils qui sont utilisés par des savants pour affirmer la scientificité de leur discipline, notamment l'économie politique, qui devient effectivement, qui introduit progressivement le chiffre pour mesurer des revenus, pour établir une pré-comptabilité nationale ou des formules mathématiques qui apparaissent à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Et puis, pour nuancer aussi cette domination par le chiffre, il faut quand même rappeler que pour l'Ancien Régime, on peut gouverner, et l'État le fait très largement, sans chiffres. Le chiffre n'est absolument pas un outil indispensable. Je reprends un exemple qui aujourd'hui sont les évaluations socio-économiques des infrastructures de transport, qui aujourd'hui mobilisent très largement pour la gouvernance des grands projets un arsenal de données chiffrées. Si on prend l'équivalent avec l'énorme politique de développement et d'équipement du territoire au XVIIIe siècle, il y a du chiffre. Mais il est à relativiser par rapport à d'autres données. Et quand on veut créer une route dans l'administration des ponts et chaussées, les ingénieurs ne fournissent pas, par exemple, des simulations de trafic sur les nouveaux axes. Donc, il y a effectivement une utilisation qui est quand même à nuancer en termes d'utilisation politique du chiffre. Voilà, le prince veut une route, veut un canal, on fait la route, on fait le canal, et puis c'est ainsi avec Béatrice Touchelet. Malgré tout, la nécessité, la prise de conscience qu'il faut contrôler tous ces chiffres. Et c'est là qu'on peut évoquer la CNIL. C'est-à-dire que quand la Commission nationale de l'information et des libertés est mise en place dans les années 1970, c'est aussi l'idée que faut un peu surveiller tout cela. Voilà, alors c'est le résultat directement d'une opération qui s'appelait Safari. Alors Safari, c'était l'idée que l'on pouvait, et c'était normalement destiné à être une loi, qu'on pouvait croiser les fichiers du ministère de l'Intérieur, par exemple, avec des fichiers fiscaux, avec le numéro de sécurité sociale, avec toutes ces données-là. Effectivement, il faut préserver les libertés publiques et puis l'indépendance. Et du coup, création de la CNIL qui a eu des moyens à un moment, qui en a beaucoup moins, ce qui signifie là que l'État désormais se pose beaucoup moins en garant, parce que contre les GAFA, contre Google, vous ne pouvez pas, vous État, et puis vous ne voulez pas, a priori quand même, pour la France, vous ne voulez pas défendre l'individu privé qui un jour a eu le malheur de commander des chaussures par Internet et qui du coup va être toute sa vie durant inondé sur son écran par des publicités de chaussures. Il y aurait peut-être, j'en sais rien, mais il y aurait peut-être des moyens, mais là l'État visiblement tente d'intervenir, mais assez mollement, et n'intervient pas contre ces big data. Nécessité de préserver l'individu. Est-ce que l'individu veut vraiment être préservé? Je ne sais pas. Si on utilise son téléphone portable, et là, je parlais tout à l'heure de la traçabilité, si on est à partir de ce moment-là, bien entendu, on rentre dans tout un système et on fournit des données soi-même individuellement à des institutions privées, à des mercantiles. Chiffres privés, chiffres publics, 17e, 21e siècle. C'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec ici toute une réflexion. Dites-nous, Anne Conchon, qui pourrait paraître liée à des tableaux statistiques, mais qui est très liée au pouvoir, ça on l'a compris, très liée à l'individu aussi. C'est vraiment incarné entre ceux qui donnent les chiffres et puis ceux qui les collectent. Il y a du monde, il y a des enquêteurs, il y a des gens qui étudient tout ça. C'est vraiment une histoire vivante. Alors effectivement, il y a toute une série d'individus qui sont les petites mains de l'appareil d'État, donc qui sont l'interface directe entre le gouvernement qui commande les enquêtes et puis les enquêtés et toute la difficulté effectivement de récupérer des informations infiables. Dès qu'il y a une enquête fiscale, voilà, il y a toute une série de résistances qui passent notamment par des sous-déclarations ou un refus de déclarer. Donc, il faut composer effectivement sur le terrain avec des hostilités, des résistances diverses, des retards. Effectivement, ces agents se font très largement taper sur les doigts par l'État qui leur rappelle les délais de retour. Écoutez, merci vivement à toutes les deux. Béatrice Touchelet, Anne Conchon, de la matérialité de tous ces tableaux statistiques, de l'incarnation de cette histoire et surtout de sa portée. Vous nous avez déchiffré ce monde fabuleux des statistiques. Merci vivement à toutes les deux. Il est temps pour nous de retrouver dans le cours de l'histoire Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. À quoi servent les instituts de sondage? Ils sont comme les baromètres. On a tort de demander au baromètre quel temps il fera dans 2 heures, ou le lendemain, bien sûr. Ils servent à vous dire si actuellement il pleut ou il ne pleut pas. Les instituts d'opinion publique, je le sais maintenant, ne servent à rien d'autre. Pourquoi la République a-t-elle inventé le concours des meilleurs ouvriers de France ? Dans un contexte marqué par la valorisation du « Made in France », les médias nous présentent chaque année le portrait de quelques-uns des meilleurs ouvriers de France. Cette volonté d'honorer publiquement le savoir-faire et la créativité des travailleurs est née en 1924, l'année où a été organisé le premier concours du meilleur ouvrier de France. Le projet s'inscrivait dans le prolongement des efforts déployés avant la Première Guerre mondiale en faveur de l'enseignement technique. Le pouvoir républicain s'inquiétait déjà de la dévalorisation des métiers manuels. La montée en puissance du mouvement ouvrier incitait aussi le camp réformiste à œuvrer pour la réconciliation des classes au sein de la nation française. Voilà pourquoi le concours du meilleur ouvrier de France fut d'emblée pensé comme une manifestation associant l'État et le monde patronal. En choisissant la forme du concours, les organisateurs de cet événement voulurent également élargir les principes méritocratiques que la République avait mis en place pour sélectionner ses élites. Mais plutôt que d'exalter la figure du génie, animé par un don inné, comme cela se fait dans le milieu artistique, les promoteurs du concours voulurent valoriser l'ouvrier sérieux, travailleur et maître de son métier. Pour lui donner l'assise la plus large possible, le processus fut dès le départ décomposé en plusieurs étapes. La première était organisée au niveau départemental. Chaque candidat présentait une œuvre que des jurys, composés le plus souvent de membres des chambres de commerce et de métiers, de professeurs de l'enseignement technique et de chefs d'entreprise, devaient examiner pour sélectionner les réalisations qu'ils estimaient dignes d'être montrées lors de l'exposition nationale. La première fut inaugurée par le président de la République, Gaston Doumergue. 200 chefs-d'œuvre venus de la France entière furent exposés. La distribution solennelle des récompenses, remise aux 144 lauréats, eut lieu le 31 janvier 1925 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Les responsables de l'exposition et du concours ayant organisé une véritable campagne de presse autour de l'événement, celui-ci attira de plus en plus de candidats. La seconde exposition nationale, qui eut lieu en 1927, comprenait déjà 20 groupes, eux-mêmes subdivisés en 103 spécialités, avec des candidats venus de 83 départements. C'est à cette occasion que fut fondée la Société des meilleurs ouvriers de France, qui permit aux ouvriers de revendiquer une place plus grande dans la conduite de cette manifestation et de s'exprimer de manière autonome. Le succès de ce concours explique qu'il soit vite devenu un enjeu, car le titre de meilleur ouvrier de France devint un atout, pouvant servir les carrières professionnelles des candidats. Paul Bocuse, décédé en 2018, reste à ce jour le plus célèbre des meilleurs ouvriers de France, distinction qu'il a obtenue en 1961. Preuve qu'il en était fier, on le voyait fréquemment dans son restaurant au nord de Lyon, vêtu d'une veste blanche brodée à son nom et ornée d'un col tricolore marquant son titre de meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, Gérard Noiriel, merci beaucoup. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui la technique Ludovic Auger. Émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour les archives. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.